Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Il est le prof de maths que nous aurions rêvé d'avoir, celui qui aurait fait aimer cette discipline aux plus réfractaires de la classe et qui en tout cas n'aurait pas laissé de traumatiser à vie derrière lui. Michael Launay, après de brillantes études en mathématiques, s'est spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Sa chaîne YouTube, MicMath, compte plus de 439 000 abonnés. Il vient de publier chez Flammarion le théorème du parapluie. Et dans un instant, nous allons voir avec lui à quel point les mathématiques constituent un outil puissant pour explorer et comprendre le monde qui nous entoure. Vers 15h45, voyage cosmique au plan de vol chargé, puisque nous irons jusqu'au trou noir, avec pour guide l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. Et en deuxième heure, nous partirons dans la jungle amazonienne avec l'anthropologue Philippe Descola. Il nous racontera ce que lui ont appris les 3 années qu'il a passées aux côtés des Achuar, des Amérindiens qui vivent à la frontière du Pérou et de l'Équateur. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Frédéric Milano et préparée par Thomas Lehété, avec à la technique Thomas Langlin. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Soit la fonction f de x appartenant à r plus p de x égale e puissance moins x sinus x. L'étude sera faite d'abord entre 0 et 2π, donc f prime de x égale e moins x, facteur de cosinus x moins sinus x. Je trace le cercle trigonométrique. Cette dérivée s'annule pour les valeurs de x égale π sur 4. Nous en déduisons le tableau des variations suivant. Alors, AF égale 1 sur 2 égale moins 2. Bon, n'oubliez pas la deuxième partie du propos. Petit f égale, n'oubliez pas A. Ici, vaut donc A, B, U, sinus de X plus 2. Tout le monde a bien compris? Pardon, monsieur, est-ce bien intégrable au sens de Neyman dans l'intervalle AB? Absolument, oui. Bien, monsieur. Bonjour, Michael Launay. Bonjour. Cette caricature de prof de maths un peu perché, incarnée par Pierre Richard dans La Moutarde me monte au nez, elle vous amuse ou elle vous agace, très honnêtement ? Un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a forcément de la caricature là-dedans. Mais c'est aussi vrai que moi, dans ma vie de tous les jours, quand je parle de maths, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi j'ai été traumatisé par les maths, moi j'étais nul en maths ». Et souvent, ce qui fait peur dans les mathématiques, c'est justement ce côté technique qui va très vite et dans lequel finalement on ne sait plus trop le sens de ce qu'on fait. Ouais. Et oui, donc effectivement, là, ça peut être un peu agaçant parce que ça a traumatisé certaines personnes. Oui, c'est ça. Mais le fait que les maths rappellent des souvenirs douloureux à beaucoup de gens, finalement, ça vous désole, vous le comprenez, c'est lié à la façon dont on nous l'enseigne à l'école. Comment vous l'expliquez ? En fait, il y a plein de façons différentes de comprendre les maths. C'est comme beaucoup de disciplines, on peut y rentrer de plein de manières différentes. Et puis, à l'école, eh bien, il y a certains qui vont aimer la façon dont les maths sont enseignées et puis d'autres qui vont avoir plus de mal à rentrer de cette manière-là. On peut faire des maths par l'histoire des sciences, on peut faire ça par du jeu, on peut faire par de la manipulation. Mmh. Et puis, on peut le faire aussi en rentrant beaucoup plus rapidement dans l'abstraction et être tout de suite dans le monde des idées. Ouais. Et effectivement, chacun peut trouver un peu sa façon de faire des mathématiques. Et pour vous, rentrer dans les mathématiques par l'abstraction, avec les petits, ça peut marcher. C'est-à-dire, au lieu d'être très concret en disant « j'ai 3 bonbons et puis j'en rends 2 », si on part tout de suite dans l'idée qu'un nombre, c'est pas forcément accroché à une quantité précise, ça marche avec les enfants ? Au contraire, oui. Souvent, l'abstraction, finalement, fait plus peur aux adultes qu'aux enfants. Les enfants, justement, ils sont un peu dans l'imaginaire. Ils adorent inventer des créatures merveilleuses qui n'existent pas. Ouais. Et quand on dit aux enfants qu'un nombre, finalement, c'est quelque chose qui n'existe que dans notre tête, avec lequel on va pouvoir jouer, avec lequel on va pouvoir s'amuser, faire des opérations, eh bien, ça les amuse. Et ils sont tout prêts à rentrer dedans du moment que c'est ludique et du moment qu'on prend du plaisir à jouer avec ces nombres. Alors votre ouvrage commence par une énigme posée par des chercheurs travaillant sur l'enseignement des mathématiques. Une énigme qui est devenue célèbre. Hein. Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l'âge du capitaine ? Quel est l'âge des enfants à qui on pose cette question d'ailleurs ? Alors, on la pose à des enfants de différents âges. Les premiers ont 7, 6, 7, 8 ans. Et puis après, on commence à la poser à des 9, 10 ans et on voit des réactions assez différentes. C'est-à-dire que les premiers, d'une certaine manière, ne vont pas vraiment mettre de sens derrière ces nombres parce que ils vont tenter une réponse. Ils vont se dire, on va additionner le nombre de moutons et de chèvres et puis peut-être que ça va donner l'âge du capitaine. À 7, 8 ans, on ne remet pas en question l'énoncé. 75% des enfants répondent, voilà, ils additionnent les chèvres et les moutons, et puis ils trouvent l'âge du capitaine. C'est ça, on applique l'opération qu'on vient de voir en cours. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on vient d'apprendre à faire des additions. Alors, on a un énoncé dans lequel on a deux nombres, on fait l'addition des deux nombres. Et puis finalement, on ne comprend pas forcément ce que signifie l'addition que physiquement, que ça correspond à réunir des objets et que ça n'a rien à voir avec l'âge dans ce problème. Et puis plus tard, quand les enfants commencent à avoir 9-10 ans, ils commencent à se révolter, ils commencent à se dire non mais là, ça va pas, c'est pas possible, ce problème n'a pas de sens. Et on voit effectivement la proportion d'enfants qui refusent de répondre à la question. Mais par contre, dès qu'on va sur des concepts qui sont pas forcément beaucoup plus compliqués, mais qu'on a moins l'habitude d'utiliser dans notre vie de tous les jours, eh bien, on se refait avoir comme des enfants. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même adultes, on continue d'avoir parfois un regard biaisé sur le monde, à la façon de ces jeunes enfants à qui on demande l'âge du capitaine. Alors, vous donnez un exemple, une expérience très simple hein, que l'on peut faire dans un grand magasin, dans un supermarché. On note les prix. Et qu'est-ce qui va apparaître? C'est ça, vous pouvez le faire chez vous, vous allez dans votre supermarché, vous regardez tous les prix qui s'alignent à longueur d'étagère et vous regardez uniquement le premier chiffre des prix. Donc si vous avez 12 euros, vous regardez le 1 du 12 et vous regardez ces premiers chiffres et vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas répartis équitablement. Il n'y en a pas autant de chaque. Il y a environ 30% de prix qui commencent par un 1 et puis après il y en a environ 25% qui commencent par un 2 et un peu moins par un 3, etc. Il n'y en a quasiment pas qui commencent par 8 ou 9. Alors ça, on pourrait croire que c'est parce que les vendeurs pratiquent des prix particuliers et préfèrent les prix qui commencent par 1. Eh bien, c'est ce qu'on peut penser a priori, mais en réalité, si on commence à observer un peu d'autres phénomènes dans le monde, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très répandu. Par exemple, toutes les villes du monde, vous regardez leur population et vous regardez combien il y a d'habitants dans chacune, eh bien, il y a environ 30% des villes dont le nombre d'habitants commence par un 1, et puis 25% dont ça commence par un 2, et puis il y en a quasiment pas qui commencent par un 8 ou un 9. Et là où ça devient vraiment perturbant, c'est que ça marche dans tous les domaines, même dans ceux où l'homme n'a fait aucun choix, n'a aucune décision à prendre, comme par exemple la taille des grands fleuves, la taille des planètes, on a toujours des chiffres, des valeurs qui sont plus nombreuses avec un 1 devant. C'est ça. Et ça, il y a un mathématicien américain qui s'appelle Frank Benford qui a remarqué ça. Il a fait des statistiques sur un nombre de données faramineux et il s'est rendu compte qu'effectivement, dans la plupart des domaines, dès qu'on commence à collecter des données, eh bien, il y a plus de données qui commencent par un 1 que par un 2, que par un 3. Bon, ça, c'est le constat. Et si ça nous surprend, c'est justement parce que nous avons un regard biaisé sur le monde. Nous partons du principe qu'il est logique que chaque nombre soit également réparti et qu'il y en ait autant qui commencent par 8 que par 1. Alors, c'est quoi l'explication mathématique? Pourquoi il est logique que le monde soit régi par des chiffres qui commencent avant tout par un 1? Bah, d'une certaine manière, cette façon de voir les nombres dépend de notre façon d'écrire. C'est-à-dire qu'on écrit avec 10 chiffres, les chiffres de 0 à 9, avec un système décimal où on a les unités, les dizaines, les centaines. Mais finalement, on sait que dans l'histoire, il y a eu d'autres peuples qui comptaient différemment, avec des systèmes différents. Et cette façon de vouloir que les chiffres soient équitablement répartis, finalement, elle dépend de ce système et elle est un peu artificielle parce que dans la nature, un fleuve ne sait pas qu'il commence par un 1 ou par un 2. Si on avait choisi de noter les nombres différemment, ce ne seraient pas les mêmes. Et en fait, ce qui est pertinent de regarder dans ce cas-là, c'est le rapport multiplicatif. Et si on regarde par exemple les prix dans un supermarché qui commencent par un 1, eh bien, tous les prix qui sont par exemple entre 10 euros et 20 euros ou 19,99 commencent par un 1. Et dans cet intervalle de 10 à 19,99, on a des prix qui vont du simple au double. Donc on a une gamme qui est quand même assez élevée. Alors qu'entre 90 et 99,99, eh bien, on a tous les prix qui commencent par un 9, mais finalement, ça ne va pas du simple au double. On a à peine 10% d'écart entre les prix les plus élevés et les moins élevés. Donc si je ne raisonnais pas de façon additive, sous mode de l'addition, entre 10 et 11 et entre 80 et 81, je fais plus 1. Si je raisonnais en pourcentage, eh bien, quand je passe de 10 à 11, je fais un saut beaucoup plus grand que quand je passe de 80 à 81. Exactement. Et si on se met à raisonner de façon multiplicative, eh bien, effectivement, on se rend compte qu'il y a autant de prix entre 10 et 20 que entre 20 et 40. Parce que entre 20 et 40, on passe du simple au double. Il y en a autant après entre 40 et 80, parce qu'on passe du simple au double. Donc, on pourrait le dire, la nature fonctionne davantage sur le mode multiplicatif et notre esprit résonne sur le mode additif. C'est pour ça qu'on a ce biais de perception. C'est ça. Alors en tout cas, quand on dit qu'il résonne de manière additive, c'est quelque chose aussi qu'on a appris petit à petit. Qu'on a façonné parce qu'avec à l'école, avec cette façon de noter les nombres, eh bien, on a donner la priorité à l'addition, mais finalement, si on essaye de tester notre intuition des nombres sur des nombres avec lesquels on n'a pas l'habitude, par exemple avec des très grands nombres, dans les millions, les milliards, les billions, les billiards, et qu'on teste notre intuition, on se rend compte qu'on se remet à penser de façon multiplicative. Comment vous testez mon intuition sur les très grands nombres ? Par exemple, il y a quelque chose qui est assez amusant à faire, c'est vous imaginez une ligne d'une certaine longueur, et vous avez à votre gauche le nombre 1000, et à votre droite le nombre 1 milliard. Et la question que vous pouvez poser, c'est entre les deux, où est-ce que vous placez 1 million ? Eh bien, spontanément, dans la première demi-seconde de réflexion, la plupart des gens ont envie de placer 1 million environ au milieu, entre 1000 et 1 milliard, à mi-chemin. Ouais. Et d'une certaine manière, visuellement, quand on pense à la représentation des nombres, c'est normal, parce que 1000, il y a 3 zéros, 1 milliard, il y en a 9, et 1 million, il y en a 6. C'est un 1 suivi de 6 zéros. Donc, d'un point de vue de l'écriture, l'écriture est à peu près à mi-chemin entre les deux. Mais en réalité, 1 million est beaucoup plus proche de 1000 que d'un milliard. C'est-à-dire que si la distance entre 1000 et 1 milliard est de 1 mètre, le 1 million est à 1 millimètre du 1000. Le 1 million et le 1000 sont vraiment collés. Ouais. Ils sont quasiment vraiment confondus et le milliard est beaucoup plus loin. Et c'est vrai que spontanément, on a envie de le décoller de 1000, ce million. Hein. On ne les gradue pas de la bonne façon. Alors vous dites que ce sont les mathématiques qui nous ont un peu façonné notre façon de penser et notamment de privilégier l'addition au lieu de privilégier la multiplication. On a fait des tests avec des enfants qui n'avaient pas du tout appris les mêmes mathématiques que nous ou pas de mathématiques du tout. Oui, alors on a fait des tests effectivement avec des populations très différentes et en fait effectivement avec des jeunes enfants. Vous leur montrez exactement le même petit test que celui qu'on vient de faire avec 1000, 1 million, 1 milliard, mais avec des nombres plus petits. C'est-à-dire que vous leur montrez un axe sur lequel il y a 1 à gauche et 100 à droite et vous leur demandez de placer 10 sur cet axe-là. Alors s'ils ne savent pas forcément écrire, vous pouvez représenter ça par des points. C'est-à-dire que vous montrez il y a un point à gauche et 100 points à droite et vous leur donnez une carte avec 10 points dessus et vous leur demandez de la mettre quelque part sur l'axe. Eh bien, ils vont spontanément plutôt le placer au milieu et pas plus proche de 10. C'est-à-dire que si on fait faire ça à des adultes, le 10 va être placé à côté du 1 et loin du 100. Mais les enfants vont environ le placer au milieu. Et effectivement, si on raisonne en termes multiplicatifs, eh bien c'est normal parce que 10 est effectivement 10 fois plus grand que 1 et 10 fois plus petit que 100. Donc, on a un facteur 10 entre les deux de chaque côté. Mais donc, les maths ont biaisé notre perception du monde ? Alors, en tout cas, ils nous ont façonné à penser d'une certaine manière quand on l'apprend comme ça. Mais ce n'est pas pour autant que cette façon-là est absolument pas pertinente. Il y a évidemment des tas de cas de figure où l'addition est pratique. Mais d'une certaine manière, ça nous remet en question ce que sont les mathématiques. Parce qu'on pense parfois que les maths, c'est quelque chose de tellement rigoureux que chaque question a une réponse très précise et qu'il n'y a pas finalement de place à la liberté, à l'imagination, à la créativité. Et en réalité, quand on est face à une question concrète, eh bien, la première question qu'il faut se poser, c'est quelles mathématiques sont pertinentes dans ce cas de figure-là ? Quelles mathématiques je peux appliquer ? Et puis, les mathématiques évoluent. Hein. Il est un chiffre qui n'est pas apparu dès le début dans l'histoire des mathématiques. Ça a même inspiré une chanson Orita Mitsuko. Il était une fois le 1. Au début, il en faut un, au moins un. Tout beau, tout chaud, tout plein. Il était une fois le rien. Rien était là, mais Zéro, c'est le titre de cette chanson d'Erita Mitsuko qui a une vingtaine d'années. L'invention du zéro a-t-elle vraiment changé la face du monde comme le chante Catherine Ringer, Michael Lenay ? Oui, à plein d'égards. Et c'est ça aussi qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point quelque chose qui est totalement évident pour nous aujourd'hui. Ça. On se dit, mais finalement, le il zéro... Il nous manquerait s'il n'existait pas, ce zéro. On l'apprend aux petits et dès le très jeune âge. Et puis finalement, il a fallu des siècles avant de façonner cette idée, avant d'en venir à l'idée que ça pouvait être un nombre, qu'on pouvait le mathématiser, qu'on pouvait dire zéro, c'est un nombre. D'ailleurs, même dans l'Antiquité, le 1 n'était pas encore un nombre forcément pour tout le monde, parce que l'idée de nombre, ça aussi, ça contient l'idée de multiplicité. C'est-à-dire que si on dit qu'on est venu en nombre, on ne dit pas ça si on est venu tout seul. Et l'idée qu'on puisse effectivement dire que zéro, ça compte quelque chose, c'est assez révolutionnaire. Mais ça veut dire que des civilisations ont fait des mathématiques et des mathématiques poussées sans zéro. Alors oui, sans zéro, alors sans nombre zéro, c'est-à-dire sans zéro tout seul, et même sans chiffre zéro, parce que c'est encore une chose différente, c'est-à-dire que si on écrit 10, on n'est pas en train de parler de zéro, mais on a besoin d'un zéro pour l'écrire. Et donc là, on parle uniquement du symbole zéro, qui signifie qu'il n'y a pas d'unité dans ce nombre. Il y a une dizaine, mais il n'y a pas d'unité. Et effectivement, les Babyloniens, il y a de ça 4000 ans, avaient un système de numérique qui fonctionnait à peu près comme le nôtre aujourd'hui, si ce n'est que au lieu de compter en base 10, donc c'est-à-dire qu'ils avaient des unités, nous on a des unités, des dizaines, des centaines, ils fonctionnaient en base 60. Donc ils avaient des unités, des soixantaines, et puis après des soixantaines de soixantaines, mais sinon le principe était à peu près le même, mais ils n'avaient pas de zéro. Et donc, s'ils voulaient écrire le nombre 10, ou en tout cas un 1 suivi d'un 0, ils écrivaient juste un 1 suivi de rien du tout. Et donc, il y avait une sorte d'ambiguïté. C'est-à-dire, si on enlève tous les zéros au nombre, eh bien, il y a certains nombres qui sont différents, mais qui pourtant s'écrivent pareil. Mmh. Et ça, c'est assez gênant. On se dit, mais comment est-ce qu'on va les différencier? Mais c'est assez gênant, surtout quand on se dit que ces civilisations ont quand même réalisé des prouesses architecturales. On se dit, comment ils s'y sont retrouvés avec des nombres équivalents qui n'étaient pas exactement les mêmes, et tout ça parce qu'il leur manquait cet outil, le zéro. Eh bien, alors déjà, il y avait une part d'approximation et puis il y avait une part de bricolage, c'est-à-dire qu'ils connaissaient, ils avaient l'habitude de leur méthode, donc ils finissaient par retomber sur leurs pieds. Et puis, en particulier, il y a eu des utilisations de ce manque de zéro qui sont assez extraordinaires. Si par exemple, on pense, nous, à une multiplication dans notre système à nous comme 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10. Mmh. Mais si on n'a pas le zéro, on obtient 2 fois 5 égale 1. Là, ça paraît assez étrange. Et on se dit, mais finalement, le 2 et le 5, si on n'a pas de 0, peut-être qu'en fait, le 2, c'est un 20, et peut-être que le 5, c'est un 50, ou que c'est un 0,5, ou que c'est un 500. Mais ce qui est assez étrange, c'est que dès qu'on multiplie un 2 et un 5, quoi qu'il signifie, on obtient toujours un nombre qui s'écrit avec un 1. Si, par exemple, on fait 20 fois 50, eh bien, sans 0, ça s'écrit 2 fois 5. Mais 20 fois 50, eh bien, ça va donner 1000. Et 1000 sans 0, ça fait 1. Donc on retombe toujours sur ce 1, et donc d'une certaine manière, on a une invariance, et quel que soit, sans savoir exactement de quel nombre on parle, eh bien on retombe toujours sur nos pattes. C'est là où on arrive dans cette histoire d'abstraction, où finalement on ne sait plus trop ce qu'on compte en mathématiques. C'est quoi pour vous un nombre, Michael Launay? Un nombre, c'est une créature assez merveilleuse et qui est dans l'imaginaire. C'est-à-dire, quand on fait des maths, on invente des mondes imaginaires. C'est pas une quantité pour vous, un nombre. C'est pas forcément une quantité, justement. Ça peut désigner plein de choses différentes. Ouais. Au début, ça a été créé pour représenter des quantités. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que ça n'avait pas besoin de désigner quelque chose de précis. Le simple fait de parler de nombres, si on dit 2 plus 3 égale 5, eh bien, on ne sait pas de quoi on parle. Ça peut être 2 chaises plus 3 chaises qui valent 5 chaises ou 2 crayons plus 3 crayons qui valent 5 crayons. Mais finalement, on peut aussi utiliser des nombres pour des contextes où ce n'est même pas une quantité, par exemple la température. C'est-à-dire, si vous avez de l'eau à 20 degrés et de l'eau à 30 degrés que vous les mélangez ensemble, vous n'obtenez pas de l'eau à 50 degrés. Ça ne s'additionne pas comme ça. Donc, quand vous avez de l'eau à 20 degrés, vous ne pouvez pas dire « Ah, il y a 1 degré là, 2 degrés là, 3 degrés » et les compter, les énumérer de 1 jusqu'à 20. Donc, on a un nombre, c'est utile de mesurer la température par un nombre, mais un nombre qui, d'une certaine manière, ne mesure pas une quantité de quelque chose. Il n'y a pas vraiment 20 quelque chose. Alors, certains nombres exercent une fascination chez les mathématiciens. C'est le cas, par exemple, du nombre d'or auquel vous consacrez une de vos vidéos dans votre chaîne Micmat sur YouTube. Qu'a-t-il de si extraordinaire, ce nombre, pour mériter une telle appellation ? Ah, il a toute une histoire derrière lui et des tas de propriétés assez dingues. Ce qu'on aime en mathématiques, c'est jeter des ponts entre différentes disciplines qui ont l'air d'avoir rien à voir les unes avec les autres. Et le nombre d'or, il sait faire ça merveilleusement bien. Alors sa propriété fondamentale, c'est quand on le multiplie par lui-même, ça l'augmente de 1. Donc il vaut environ 1,618 et des poussières. Et vous pouvez essayer sur votre calculatrice, vous faites 1,618 fois 1,618 et vous obtenez 2,618. Alors il y a, c'est pas exactement 618, il y a des poussières, mais si vous ajoutez exactement toutes les poussières, c'est vraiment exact, ça tombe vraiment très précisément. Et ce nombre-là, on le retrouve dans plein de domaines différents. Par exemple, dans les pentagones, c'est-à-dire que quand vous faites de la géométrie, eh bien, la diagonale d'un pentagone est toujours le nombre d'or fois plus grande que le côté. Donc si vous avez un pentagone de côté de longueur égale à 1, eh bien, sa diagonale mesure 1,618. Ce qui fait qu'on la retrouve dans toutes sortes de constructions. Dès que vous faites des constructions géométriques avec des pentagones, un ballon de football par exemple, vous avez des coutures en forme de pentagone, donc le nombre d'or intervient dans sa construction. Ouais. Ça s'explique ou ça se constate ? Ça se constate d'abord, du coup ça intrigue, ça nous rend curieux et ça fait que finalement on arrive à l'expliquer. Aujourd'hui, on sait pourquoi ce nombre intervient dans les pentagones. On ne vous demandera pas la démonstration là, ici. C'est un peu visuel, il faudrait faire quelques calculs. Nous explorons le monde des mathématiques avec Michael Launay cet après-midi sur France Inter, du vent dans les synapses. On vous a peut-être raconté que les mathématiques constituaient une science exacte. Eh bien, pas du tout. Et les zéros, qu'en faites-vous? Ça ne sert à rien. Alors pourquoi les a-t-on inventés? Nous avons vu qu'ils n'existaient que lorsqu'ils étaient accompagnés d'un autre chiffre. Eh bien, ce n'est pas vrai non plus. Un zéro et un autre zéro font un 8. À qui se fier? Si vous voulez recevoir ce cours de mathématiques accélérées, écrivez-moi Papotin au RTF Paris. À bientôt. I had to think about my oldest friends. Now I no longer hang with them. And I can't wait to be home again. I had a year that nearly sent me off the edge. I feel like a five, I can't pretend. But if I get my shit together this year, maybe I'll be a 10. Help myself a little better, cause it's getting tiring. And I can't wait for the summer. No, I'm gonna need a moment. I did it again, I did it again. No control over my emotions. 1 year on and I still can't focus. I did it again. Inviting people round to stay and always owning up to things, to things. Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. If so, I've been so lucky so far, it's outrageous. I won't complain, give myself a little credit since I dealt with all the pain. Yeah, I turn superhero. I'm coming in Bruce Wayne. Strength to carry on, and though it's still hard work to find the words, I'm still gonna write this fucking song. Cause after all, I guess it all depends upon the people you choose and where you're from. C'était Rex Orange County 10-10. France Inter, du vent dans les synapses. Bonjour madame. Oui, bonjour. J'ai un problème à résoudre, le théorème de Pythagore. C'est quoi ça? J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Tout ça, c'est loin, loin, loin, en plus. Vous aimez les mathématiques? C'est pas que j'aime pas, mais ça ne s'est pas fait. Vous avez les opérations essentielles, en fait, c'est ça? Oui, voilà. Division, addition, ce qui fait les trucs de ma vie de tous les jours, puisqu'on compte. Mais bon, c'est pas des maths de professionnels, hein, c'est juste additionner les euros. Et les sinus? Ben, c'est pas ici, là, dans le nez. Il y a d'autres sinus. Et le cosinus? Moi, je pense que c'est le cosinus, ça doit être plus haut que les sinus. Et quand on dit c'est exponentiel? Une expo? Exponentielle. Expo dans le ciel. Eh bien, expo dans le ciel. Une habitante des Bouches-du-Rhône au micro de Caroline Cartier en 2014 sur France Inter. Alors, elle semblait un peu perdue dans l'univers des mathématiques, mais il faut dire que certains mathématiciens ne nous aident pas à nous y retrouver. Dans votre ouvrage, Michael Launay, Le théorème du parapluie, chez Flammarion, vous citez le mathématicien Bertrand Russell. Il dit... Les mathématiques peuvent être définies comme la discipline dans laquelle on ne sait jamais de quoi on parle et on ne sait pas si ce qu'on dit est vrai. Moi, je croyais que c'était tout l'inverse. Ça, ça paraît paradoxal parce qu'on pense spontanément que les mathématiques, c'est très rigoureux et on sait précisément de quoi on parle. Oui. Mais finalement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les additions. C'est-à-dire que si on dit 2 plus 3 égale 5, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas ce qu'on est en train d'additionner. On peut être en train de parler de plein d'objets différents. Et c'est ça qui fait la nature des mathématiques, c'est justement de ne pas être accroché au réel, de ne pas adhérer si près que ça au réel, et de s'en détacher pour dégager des règles abstraites et générales qui font qu'on ne sait plus vraiment de quoi on parle, mais on sait quand même qu'on dit des choses qui sont correctes. Mais c'est une des choses perturbantes hein, avec les mathématiques, c'est le fait qu'il soit possible de faire des raisonnements justes, mais en utilisant des choses qui n'existent pas ou des chemins qui passent par l'abstraction. Oui, exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se mettre à faire des raisonnements et la justesse d'un raisonnement dépend uniquement de certaines règles logiques. On part d'un certain point et puis on va en faire des déductions. Puis on va arriver à une certaine conclusion. Ouais. Et si les prémices de départ sont correctes et que le raisonnement est valide, eh bien, on aura une conclusion qui sera juste. Alors, il y a un exemple très clair qui va, si on commence à se perdre un peu dans ces explications, il y a un exemple que vous donnez dans votre livre pour trouver une date. Expliquer le chemin par lequel passe une de vos amies mathématiciennes. Oui, c'est ça. C'était une fois où on était, alors si je me rappelle bien, on était le 20 avril, pour redonner le même exemple, le 20 avril, et on devait se donner rendez-vous 14 jours plus tard. Et alors moi, quand je réfléchis spontanément à ce problème-là, je me dis, alors si on est le 20 avril, dans 10 jours, on sera le 30 avril. Donc dans 11 jours, on sera le 1er mai, et donc ça va donner le 4 mai. Parce que, d'une certaine manière, comme on change de mois, eh bien, l'arithmétique est rompue. On passe du 30 au 1 et c'est pas naturel que le 1 suive le 30. Et effectivement, cette amie avec qui donc on se donnait rendez-vous a réfléchi en disant, eh bien, si on est le 20 avril, dans 14 jours, on sera le 34 avril. Et le 34 avril, en fait, 34 moins 30, ça correspond au 4 mai. Et d'une certaine manière, ce raisonnement-là, je le trouve très élégant, et c'est ça aussi qu'on aime bien en mathématiques, c'est éventuellement inventer des choses qui n'existent pas. Le 34 avril n'existe pas, mais il permet de raisonner juste quand même. Et c'est ce qui se passe avec les nombres, c'est ce qui se passe avec les nombres négatifs, c'est ce qui se passe avec plein d'objets mathématiques qui sont détachés du réel, mais qui permettent de faire des beaux raisonnements et d'arriver quand même au résultat qu'on veut. C'est ça, hein, bah, vous dites des altitudes négatives, c'est pratique. Hein, quand on est en dessous du niveau de la mer, on commence à parler d'altitudes négatives, mais en vrai, ça n'existe pas, une altitude négative. C'est une convention. Dans le monde réel, une longueur, c'est toujours un nombre positif. Ouais. Mais on peut décider de choisir une orientation sur un axe, c'est-à-dire que vers le haut, on compte en nombre positif, et vers le bas, on compte par nombre négatif. Et c'est plus pratique et c'est plus facile de faire des raisonnements avec ce modèle-là. Et avec ces conventions, eh bien, on peut inventer des mondes en 4 dimensions, en 5 dimensions, dans le monde des mathématiques. C'est possible. C'est ça. Et c'est ça qui est beau avec les maths, c'est que d'une certaine manière, ça part du réel. Au début, les mathématiques sont nées de préoccupations réelles. Et puis, à un moment donné, il y a une certaine gratuité qui apparaît. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, mais là, il y a juste, dans ce monde imaginaire, une belle question qui se pose. On ne sait pas si ça va servir à quelque chose, mais juste, cette question, elle nous intrigue. C'est une énigme. Et il y a plein de mathématiciens et de mathématiciennes qui réfléchissent à des problèmes de maths qui sont intéressants pour eux-mêmes. D'une certaine manière, c'est un peu comme des astronomes qui vont découvrir des exoplanètes où on les regarde et on trouve ça très beau dans les télescopes ou dans les images qui sont recréées, même si ça sert pas à grand-chose concrètement, mais c'est pour le savoir, quoi, pour les connaissances. Vous voulez dire que des mathématiciens inventent des outils mathématiques avant qu'on ne sache à quoi ils vont servir, et souvent une fois qu'ils sont inventés, on se rend compte que c'est très utile pour regarder le monde différemment. C'est ça. Alors peut-être qu'il y en a qui ne serviront jamais à rien, ouais. Mais il faut les inventer, il faut prendre le risque pour que peut-être un jour ils servent à quelque chose. Et c'est quelque chose qui est très fréquent dans l'histoire des maths. C'est pour ça que c'est très intéressant. C'est qu'on crée des outils mathématiques, on crée des modèles mathématiques parce qu'on les trouve élégants, parce qu'on se dit « Ah, c'est beau, cette énigme, elle est intéressante ». Et puis, quelques siècles plus tard, on se rend compte que finalement, la nature, par certains de ses aspects, fonctionne selon ces mathématiques. Alors, c'est la deuxième fois que vous employez ce mot d'élégant. Et vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage que les deux boussoles du mathématicien, c'est l'utilité et l'élégance. Qu'est-ce que c'est que d'être élégant quand on fait des maths ? Ah, ça, c'est quelque chose qui est toujours assez difficile à expliquer, le sentiment de beauté. Et oui. Mais d'une certaine manière, c'est le sentiment d'une certaine économie, d'aller droit au but et d'avoir un raisonnement qui est un peu minimaliste. Et qui, tout à l'heure, l'exemple du 34 avril, d'une certaine manière, on peut déjà, c'est une sorte c'est de élégant. Prémisse, on peut le trouver élégant parce que le fait d'inventer une date qui n'existe pas pour faire un raisonnement plus rapide, eh bien, ça peut procurer une certaine satisfaction personnelle. Et c'est ça, cette notion d'élégance, c'est quand on arrive à un résultat par un chemin où on se dit « Ah, mais là, on est passé par le bon chemin qui va droit au but, on a l'impression d'avoir compris quelque chose. » Et puis quand tous les éléments se mettent bien en place dans notre cerveau, le moment où on n'est pas seulement arrivé à un résultat et on se dit « Bon, ben, on a fait 50 calculs et on arrive au résultat, donc ça doit être ça, ma foi. » Mais plutôt où On a trouvé le raccourci. Voilà, on a trouvé le raccourci. Et puis, dans notre tête, on a un schéma, une image qui se crée, qui fait que ça procure une sorte de sentiment d'évidence. C'est-à-dire, c'est pas seulement on a fait des calculs, mais on a vraiment compris quelque chose. On a une jubilation à comprendre, une sorte de déclic qui fait « Ah, ça y est, là, j'ai compris. » Ah ben là, les auditeurs n'ont pas l'image, mais vu le sourire et l'œil qui s'allume quand vous dites « On a ce sentiment », on sent que c'est une vraie jubilation. Alors, le titre de votre livre, « Le théorème du parapluie », il est temps de dire ce que c'est que ce théorème du parapluie. Alors, c'est une métaphore que j'utilise tout au long du livre. C'est, d'une certaine manière, une représentation des changements de point de vue. Parce que quand on veut marcher sous la pluie, on va aller d'un point A à un point B et il pleut. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, on ouvre son parapluie au-dessus de sa tête. Ensuite, on marche et ensuite, on referme son parapluie une fois qu'on est arrivé. Et d'une certaine manière, le fait de cette mie, d'avoir ouvert ce parapluie, ça nous a protégé de la pluie, ça évite d'être mouillé. Et c'est un peu ce qu'on fait, donc ce processus en trois étapes, ce qu'on fait dans différents domaines en sciences. Et en particulier, faire des mathématiques, c'est d'une certaine manière ouvrir un parapluie sur le monde. C'est-à-dire qu'on a un monde réel qui est atrocement compliqué. Il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses à voir qu'on va rentrer dans le monde abstrait des mathématiques qui simplifie. Parce que si on fait des maths, c'est avant tout pour que ce soit plus simple. Oui, ça c'est déjà une chose en soi, il faut se le mettre dans la tête. Tout le monde n'a pas encore bien perçu, et moi le premier, que mettre en équation, c'était simplifier les choses. Par exemple, une planète, elle peut ne pas être totalement sphérique, mais on va la modéliser par une sphère, ou alors après on peut affiner un peu le modèle, mais on va quand même toujours ignorer certains petits détails pour pouvoir avoir quelque chose de plus simple dans notre représentation abstraite. Mmh. Et puis une fois qu'on est dans notre monde abstrait, eh bien, on va faire nos calculs, nos raisonnements, on va essayer de faire quelque chose d'élégant pour aboutir au résultat. Puis une fois qu'on a le résultat, on referme notre parapluie, c'est-à-dire qu'on interprète nos résultats dans le monde réel. Ouais. Et puis là, on se dit, bah, par exemple, on a calculé la date d'une éclipse, on n'a plus qu'à attendre la date, et puis on lève les yeux au ciel et on voit l'éclipse. Ouais. Alors ça permet de calculer la date d'une éclipse, ça permet de faire des choses encore plus incroyables. On a découvert des planètes grâce aux mathématiques. C'est ça, là, c'est l'histoire d'Urbain Le Verrier qui a découvert la huitième planète du système solaire, Neptune, du bout de sa plume. Ouais. C'est-à-dire qu'on observait la planète, qui est la planète précédente, qui est Uranus. On essayait de calculer justement sa trajectoire avec la théorie de la gravité de Newton. Puis on se rendait compte que ça ne marchait pas très bien. C'est-à-dire qu'il y avait des petits écarts entre ce qu'on observait dans le ciel et ce qu'on calculait sur Terre avec papier crayon, papier plume. Ouais. Vous ne suivez pas la trajectoire théorique qu'elle devrait suivre, cette planète? Alors, il y avait deux options face à ça, c'est soit on se dit, bon, ben, finalement, Newton s'est trompé, sa théorie n'est pas si exacte que ça, mais c'était pas très satisfaisant parce qu'elle est tellement belle, justement, cette théorie, elle est tellement économe, elle est tellement élégante qu'on avait envie de la sauver. Et donc, certains astronomes se sont dit, et si la différence dans la trajectoire d'Uranus n'était pas due plutôt à une perturbation extérieure, s'il y avait une autre planète qu'on ne connaît pas encore et qui, par sa force de gravité, eh bien, était la cause de ces perturbations. Donc, Urbain Le Verrier prend sa plume, fait les calculs et identifie le coin de l'espace où il faut regarder pour trouver cette hypothétique planète qui referait tomber les équations sur ses pieds. Voilà. Et donc, il fait ses calculs, il trouve le résultat, il l'envoie dans un observatoire et les astronomes pointent leur télescope vers le ciel et découvrent Neptune exactement à l'endroit où Le Verrier l'avait prédit. Ouais. Alors, les maths permettent de rentrer dans un univers imaginaire. L'infini, c'est une grandeur qui a posé beaucoup de problèmes aux mathématiciens. Beaucoup se sont cassés les dents dessus. On est justement dans de l'abstraction où l'infini a une certaine réalité dans l'univers. Alors, en tout cas, tel que les mathématiciens et les mathématiciennes le conçoivent, c'est vraiment une abstraction. Et d'ailleurs, la plupart des fois où dans notre langage courant, on dit « ah, telle chose est infinie », eh bien, en réalité, il faudrait plutôt dire « gigantesque » ou « immense », mais ce n'est pas réellement infini. Il y a une vraie différence de nature entre un nombre immense et l'infini. Ben, en fait, tout nombre est petit face à l'infini. C'est-à-dire que même si vous prenez un milliard, un billion, un billiard, vous pouvez aller aussi loin. Si vous voulez compter jusqu'à l'infini, à n'importe quel moment de votre décompte, vous serez toujours à 0% parce que vous avez toujours l'infini devant vous et vous avez toujours fait qu'un nombre fini. Vous n'en êtes toujours qu'à un nombre fini. Il y a beaucoup de savants dans l'histoire qui ont dit non, mais c'est pas possible de faire des maths avec l'infini. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, ils se sont retrouvés face à des paradoxes impossibles à résoudre et ils se sont dit non, il faut arrêter là, c'est plus possible. Les maths ne peuvent pas traiter ce genre de choses. Et puis finalement, à la fin du 19e siècle, il y en a qui ont réussi, notamment Cantor, qui a réussi à théoriser ça et à trouver le bon contexte, la bonne abstraction pour penser l'infini. En maths, ce qui est démontré est vrai pour toujours ou est-ce que ça peut être remis en question comme dans les autres disciplines ? Eh bien, en fait, justement, les maths, d'une certaine manière, puisque c'est un monde abstrait, eh bien, ce qu'on démontre par des raisonnements logiques à l'intérieur de ces mondes est vrai de façon définitive. Par contre, ce qui peut être mis en question, c'est les situations concrètes où on les applique. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à un moment donné, je parlais tout à l'heure de la théorie de Newton, eh bien, la théorie de Newton, c'est une théorie mathématique qui est très élégante, qui est très belle, et pendant 3 siècles, on l'a utilisée pour calculer les positions des astres dans le ciel. Et donc, cette théorie, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est fausse, c'est-à-dire que les mathématiques se tiennent toujours, il n'y a pas d'incohérence dans les mathématiques, mais par contre, on s'est rendu compte que, dans certains contextes, elle s'écarte un petit peu du réel. Et donc maintenant, pour modéliser le réel, on utilise une autre théorie qui est celle d'Einstein et de la relativité. Donc voilà, les mathématiques restent vraies de façon définitive, mais par contre, à un moment donné, elles peuvent se retrouver mises à l'écart parce qu'elles ne s'appliquent plus au réel. Et est-ce que les mathématiques existent ailleurs que dans notre tête? C'est-à-dire s'il n'y avait pas d'humain pour conceptualiser, pour découvrir ces outils, ces formules, est-ce que les maths existent sans nous? Ça c'est le débat, le grand débat auquel j'ai pas de réponse absolue. Ce qui est très troublant, voilà, est-ce que les maths sont découvertes ou inventées? Est-ce qu'elles nous préexistent ou pas? Vous n'avez pas de réponse. Ce qui est très troublant quand même, c'est de voir à quel point les mathématiques adhèrent, permettent de créer des modèles qui tiennent compte du réel vraiment de façon parfaite. C'est-à-dire que vraiment, les théories mathématiques qu'on invente, même quand je disais tout à l'heure qu'on invente des théories mathématiques juste pour l'élégance sans savoir à quoi ça va servir. Et puis un peu après, on se rend compte que finalement, la nature utilise finalement ces théories mathématiques et que ça permet de comprendre des choses. Et on parle parfois, il y a une formule qui est célèbre qui parle de la déraisonnable efficacité des mathématiques. Comment ça se fait que les mathématiques permettent de calculer avec autant de précision le monde? Ça pourrait ne pas être le cas. La nature pourrait avoir choisi d'avoir des fonctionnements qui ne se modélisent pas du tout par des formules et des opérations simples. Après avoir fait de brillantes études en mathématiques, Michael Lenay, vous n'êtes pas devenu mathématicien, chercheur. Vous avez préféré faire de la vulgarisation lors d'ateliers en public, sur votre chaîne YouTube Micmath, avec 439 000 abonnés qui vous suivent, ou par des livres comme celui que vous êtes venu nous présenter dans cette émission. Pourquoi ne pas avoir choisi de devenir chercheur en mathématiques? J'ai pas mal hésité, à vrai dire. Ça me plaisait aussi beaucoup, la recherche. Mais je crois que j'adore raconter les maths, j'adore parler de mathématiques avec plein de gens différents. Et ce que j'aime beaucoup dans la vulgarisation, c'est qu'on peut voir justement plein de publics, que ce soit de les tout-petits en maternelle, en primaire, au collège, au lycée. Et puis peut-être aussi que j'avais envie d'explorer un peu des champs suffisamment variés. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, on est sur quelque chose de très pointu et c'est absolument passionnant, mais il faut être capable de s'obséder pendant plusieurs années sur un sujet très précis et d'une certaine manière, on a des ornières et on voit pas tout ce qu'il y a autour. Et quitte à aller moins profondément dans tous les sujets, j'aime beaucoup pouvoir explorer des domaines qui ne sont pas des domaines dans lesquels je suis spécialiste. En tout cas, c'est une chance pour le grand public que vous ayez fait le choix de la vulgarisation scientifique. Nous allons mettre un lien vers votre chaîne Micmath sur la page du Vent dans les synapses. Et puis votre dernier livre passionnant, Le théorème du parapluie, aux éditions Flammarion. Un grand merci à vous, Michael Lenay. Merci. Toi et moi, loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre temps à se perdre tout le temps. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu, perdu. Des gens, les autres, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Perdu, tous ces gens m'avaient prévenu.

L'émission du vent dans les synapses continue après les infos sur France Inter.